Bonjour, bonjour, je suis Amandine et je vous souhaite la bienvenue chez J'allaite, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche était collée à votre sein. Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour manger? Pourquoi est-ce qu'il pleure avant, pendant ou après son repas? Pourquoi vos seins sont si rouges, gonflés et douloureux? Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche? Pourquoi est-ce que le regard des gens peut être aussi blessant et jugeant? Pourquoi est-ce que vous devriez vous cacher pour allaiter? Et puis, pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier de ne pas allaiter? Si je pose toutes ces questions, c'est parce que moi aussi, il y a quelques mois, je m'en suis posée la plupart. J'étais comme vous, perdue, démunie. L'allaitement, tout comme la grossesse, l'accouchement ou la maternité, nous fait passer par un tas d'émotions agréables et désagréables. Mais même si allaiter est l'une des choses les plus naturelles au monde, ce n'est pas forcément facile. On peut être parfois perdu, démotivé, seul, incomprise, voire même forcé. Et surtout, il existe autant d'allaitements possibles que d'enfants et mamans. Allaiter ou non, c'est un choix personnel que personne ne devrait entraver. À travers ce podcast, je pars donc à la rencontre des femmes, des mères, des pères, pour faire part de leurs aventures lactées. Qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'irai à la rencontre de mamans allaitantes, tire-allaitantes ou biberonnantes, qui ont connu un allaitement long ou écourté, pour qui ce fut facile ou au contraire très difficile. Je partirai également à la rencontre de professionnels, pour vous donner les bons renseignements et vous aider dans votre aventure. Des témoignages donc, et des informations pour aider, renseigner, raconter, faire son deuil ou simplement partager, car le partage c'est la clé. Avec leurs récits sincères et justes, j'espère que vous y trouverez peut-être des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler de mon expérience d'allaitement et du coup de ce qui m'a amené à créer ce podcast. Alors pour remettre un peu dans le contexte, j'ai eu une grossesse qu'on pourrait dire de difficile, pas tant d'un point de vue physique parce que tout s'est bien passé pour ça, par contre d'un point de vue psychologique et mental, c'était très très dur pour moi. En fait, tout simplement, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis mise à paniquer. Je me suis dit, oulala, c'est trop tôt, je ne suis pas prête, ça va être trop dur. Et du coup, j'ai eu un peu tout ce rejet de la parentalité pendant ma grossesse. Alors, il y a eu des hauts et des bas, hein, tout n'a pas été tout noir. Pour autant, elle était pour moi, c'était une évidence en fait. Je ne me suis pas posé de questions, je ne me suis pas forcément renseignée. Je suis une enfant allaitée, je n'avais pas forcément... autour de moi, beaucoup de personnes qui avaient allaité, si ce n'est ma sœur que j'avais vue pour ses deux enfants. Voilà, pour moi, c'était évident, j'allais allaiter. Comme je le disais, je ne me suis pas du tout renseignée, je n'ai pas cherché des informations. J'avais vraiment confiance en ma sage-femme qui allait me guider, qui s'y connaissait très très bien. Ensuite, l'accouchement s'est très bien passé. Il a été court et du coup très intense, mais il n'y a pas eu de problème particulier. Si ce n'est toujours un peu cette déconnexion de moi-même par rapport à l'arrivée de ce bébé. On a mis en place la tétée d'accueil, je dirais, une heure après la naissance. Ça s'est bien passé. Je me souviens que la sage-femme m'avait demandé quel était le sein où je voulais le positionner. Et j'avais choisi le gauche parce qu'il commençait à perler pendant la grossesse. Je me suis dit, bon, il doit avoir peut-être plus de colostrum, alors allons-y. Puis en fait, non, il n'en a pas trop voulu de ce sein gauche. Du coup, on l'a mis au droit, au sein droit, et là, il l'a pris tout de suite. Et je revois encore la sage-femme qui me dit « On l'entend vachement bien déglutir, c'est fou, il tète super bien, ça va bien se passer. » Donc après, la machine, elle se met en route. Elle tétait toutes les 3 heures, des fois moins, des fois plus. Je me rappelle aussi que la sage-femme m'avait dit que là, on pouvait laisser dormir le bébé. Parce que lui aussi, il avait été fatigué de l'accouchement. Mais que, comme c'était une grignette, il est né à 2,6 kg, fallait pas non plus, attendre trop. Et c'était 8 heures maximum. Et puis, en fait, il s'est réveillé tout seul, donc même pas eu besoin. C'est lui qui avait faim. Et il a commencé à, voilà, à manger régulièrement. Il a perdu du poids comme tous les bébés. Par contre, il a stagné et il a eu du mal à remonter. Donc, comme moi, j'avais une montée de lait assez tardive, c'est-à-dire qu'on était voilà, J plus 4 et j'avais rien. Lui, nez, poids, plume, il fallait qu'il mange en fait. Du coup, on a un peu mis en place les grands moyens. On a loué un tire-lait et on a dû le compléter en nourriture avec du lait en poudre. La sage-femme m'avait laissé le choix en me disant voilà, il est quand même assez petit, il faut qu'il reprenne du poids rapidement. Ce serait bête si on peut éviter de l'emmener à l'hôpital pour le nourrir par sonde ou quoi. Bah, voilà, autant essayer le lait en poudre. Donc c'est ce qu'on a fait, on l'a complété. On lui a donné à manger après les tétés avec une cuillère, puis la seringue. Et comme il fallait en même temps stimuler le sein, on a mis en place un DAL. Alors un DAL, c'est un dispositif d'aide à l'allaitement. C'est une sorte de petite gourde qu'on suspend à son cou ou au-dessus de soi. Et il y a une sonde qui est reliée donc à la gourde et qu'on vient placer à côté du sein et glisser dans la bouche du bébé. Comme ça, quand il tète, eh ben, il a doublement à manger. Comme si voilà, il y avait vraiment ma montée de lait qui était là. Ça ne durait pas trop longtemps. En gros, on mettait au sein 10 minutes maximum pour pas l'épuiser. Et après, on complétait avec la seringue bah, jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Alors déjà, ça a toujours été un mangeur très rapide. Hein. Même avant ça, les tétés, ça durait 20 minutes chez lui, enfin, avec lui. Par contre, je vous avouerai que le fait de devoir lui donner le reste à la seringue, en mode « vas-y, mange, il faut que tu grossisses », j'avais un peu cette impression de gavage. Mais bon, derrière, il a repris du poids, alors c'était le plus important au final. Par contre, les tétés étaient, je me souviens pour moi en tout cas, très difficiles parce qu'il fallait installer le dalle et que mon fils perdait le sein tout le temps. Donc j'étais sur le qui-vive en permanence à devoir le replacer parce que vraiment, il lâchait le sein tout le temps. Après ça, ma sage-femme m'a envoyé une consultante en lactation, une EPCLC, qui m'a expliqué tout le fonctionnement des tétés, de la montée de lait, du lait, de l'importance du pot à pot. Donc on a mis en place toutes ces petites choses pour favoriser encore une fois cette montée de lait, qui est enfin arrivée à J+8, donc une montée de lait tardive. Mais au moins je peux enfin mettre de côté de mon lait à moi pour pouvoir le mettre dans le dalle. Évidemment, comme tout le monde, hein, je dirais... Au début, il y a des douleurs, beaucoup de douleurs parce que le téton n'est pas habitué à se faire sucer toute la journée. Du coup, il y avait des crevasses, etc. Mais pas tant que ça, parce qu'on m'avait offert un coquillage en nacre que je vous recommande vraiment. Pour moi, ça m'a vraiment sauvé mes tétons parce que voilà, j'ai eu des crevasses, mais c'est rien comparé à ce que certaines m'ont expliqué. Moi, c'était tranquille à côté. On était encore une fois toujours sur des tétés très rapides, 20 minutes maximum, que ce soit un ou deux seins, il était repu, il n'en voulait plus. Et il perdait tout le temps le sein par contre, toujours autant, jusqu'à 10 fois en 20 minutes. Donc j'avais pas de repos. Je me souviens de maman ou de la famille qui me racontait qu'après les 2 mois, ça commence à bien se mettre en route et que c'est plus simple en fait. Parce que là, moi, vraiment, c'était épuisant de devoir toujours être sur le qui-vive. Quand je pense à certaines qui me disaient pouvoir lire un livre ou regarder des séries, j'étais là, waouh, non, moi, pas du tout, j'en suis pas là du tout. Ensuite, il y a eu l'arrivée du premier pic de croissance, évidemment, qui a été très, très, très intense. On m'avait, encore une fois, dit que ça devait durer, voilà, 2-3 jours maximum. Moi, vraiment, c'était long, ça durait une semaine à chaque fois. Et vraiment, quand c'était très intense, on était jusqu'à 20 tétés par jour, je me souviens, c'était énorme. Mais j'ai eu la chance, voilà, mon conjoint m'a soutenue tout de suite. J'avais aussi la famille, les amis qui m'écrivaient en mode « lâche rien, vas-y, ça va passer, ça ira mieux après ». Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Je pense que le soutien est vraiment important pendant cette phase-là, surtout en fait. Par contre, après le pic de croissance, y a un peu beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Il a fait des coliques, comme beaucoup de bébés. Il a fait ensuite des crises de décharge le soir, également comme beaucoup de bébés. Par contre, ces crises de décharge se sont transformées en crises de pleurs quasi H24. J'en étais des fois à 20 heures de pleurs par jour parce qu'il n'était pas bien. J'arrivais pas à l'apaiser. Je voyais que les tétés lui faisaient du bien, mais c'était un mal un bien pour un mal, pardon, parce que au final, ça ravivait la douleur derrière. J'ai essayé de me renseigner, voilà, sur ce que ça pouvait être, parce que au début, bah, en fait, pour moi, c'était ma faute, quoi. Mon bébé, il pleurait, il avait mal, et moi, je savais pas l'aider. J'en parlais à personne, j'étais un peu perdue, jusqu'au jour où, bah, voilà, j'ai eu ma mère au téléphone en pleurs, je crois, une semaine après que ça avait commencé, qu'elle m'a dit, mais non, en fait, non, c'est pas normal, va voir un pédiatre. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, tout de suite, on a détecté un RGO et d'une œsophagite qui expliquait un peu tout ça. À côté, j'ai essayé de me renseigner sur comment l'aider vraiment plus. On avait évincé une allergie aux protéines de lait de vache parce que moi-même, je ne consommais pas de lactose, donc ça ne pouvait pas être ça. Par contre, je sais que j'ai arrêté les agrumes pour essayer de baisser l'acidité du corps et je buvais des tisanes à la fenouil qui permettent aussi d'apaiser en cas de RGO, parce que pour le préciser, un RGO, c'est le clapet entre l'œsophage et l'estomac qui est pas très mature, pas assez mature en tout cas pour le bébé à ce moment-là, et donc en fait bah, ça remonte tout quoi. Donc je sais que les régurgitations c'est naturel chez les nouveau-nés, chez les bébés. Là on était quand même à une cinquantaine de régurgitations par jour, et du coup en fait c'était des remontées acides, donc lui ça lui brûlait à chaque fois quand ça remontait. Il avait aussi en plus des remontées internes, donc bah, ça brûlait en remontant et en redescendant, donc j'imagine très très douloureux chez lui, et je comprends ses pleurs. On savait pas trop au début, c'est vrai qu'on a écouté aveuglément la pédiatre qui nous a dit de lui donner du Gaviscon, que les douleurs s'estompent. Alors c'est pas forcément un médicament que je recommande, parce que je pense qu'il faut faire au cas par cas et en fonction des bébés. Là pour le coup, effectivement, ça a plutôt bien marché, les douleurs ça me nuisait. C'est revenu au deuxième pic de croissance, mais j'étais un peu plus préparée parce qu'il y avait eu le premier, en fait, l'expérience du premier. Et bah, petit à petit, ça a commencé à rouler. Il y avait presque plus de pleurs, presque plus de régurgitation. Les tétées étaient aussi moins fréquentes, hein, ça expliquait. Et puis, on était vraiment arrivé à un réveil la nuit. C'était magique, quoi. Et puis, bah, c'est tout revenu en force. D'un coup, en fait. Et pour moi, je me l'explique, c'est ma conclusion que j'en tire. J'ai fait une erreur, on va dire, parce que j'étais témoin du mariage de mon amie d'enfance et on avait organisé un enterrement des jeunes filles. Je m'étais un peu renseignée sur comment faire pendant ce week-end-là, parce que c'était un week-end entier. Et je me voyais pas faire un choix, en fait, entre être là pour le VGF de mon amie qui allait se marier et dont je suis le témoin, et en même temps, mon bébé bah, qui avait besoin de mon lait, et je ne voulais pas du tout arrêter l'allaitement. Et j'étais un peu perdue et je pensais vraiment que c'était possible de faire les deux. Donc j'ai appelé ma consultante en lactation qui m'a conseillé donc, de tirer le lait au maximum. Enfin, elle m'a dit en fait, tire le lait voilà, une fois le matin, dans la matinée, après manger, dans l'après-midi, le soir, une fois la nuit si tu peux. Et en fait, je me rends compte... Moi qui n'avais pas une grosse lactation de base, parce que j'avais beau tirer mon lait, il n'y avait pas grand chose qui sortait. Alors je sais que le fait de ne pas tirer beaucoup de lait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas beaucoup de lait dans le sein. Mais voilà, je voyais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de canaux de lait qui sortaient de mon sein. Enfin, de lait qui sortait des canaux de sein. Je m'en rendais bien compte de ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, je n'ai pas assez tiré mon lait. Pour la lactation que j'avais moi. Et en plus, mon fils a dû être éloigné de moi pendant une vingtaine d'heures. Je dirais une grosse vingtaine d'heures. Ce qui n'a pas aidé, on va dire, à stimuler le lait derrière. Et suite à ce week-end-là, en fait, c'est allé de pire en pire. Les régurgitations sont revenues. Il restait moins longtemps au sein, encore moins longtemps que les 20 minutes de d'habitude. Il s'énervait. Il revenait du coup plus souvent, du coup bah, les douleurs sont revenues, il pleurait plus, il dormait moins, c'était vraiment redevenu un cercle vicieux en fait. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, à bout de nerfs en fait. On dit hein, souvent pour les jeunes parents, le premier ennemi c'est la fatigue, et bah, clairement c'est le cas. Je maigrissais aussi énormément, j'avais perdu plus de poids que j'en avais déjà avant la grossesse. Et je sais que voilà, la conclusion que j'en tire, c'est que j'aurais voulu être plus conseillée par rapport à ce week-end-là. j'aurais voulu m'imposer un peu plus pour que mon bébé soit gardé pas très loin de moi, pour que je fasse le plus de tétés en fait avec lui. Après c'est comme ça, on refait pas le passé. Mais tout de suite j'ai appelé ma sage-femme qui est venue, qui m'a vu effectivement très maigre, qui m'a donné un conseillé en tout cas, parce que c'est pas, elle est pas professionnelle dans ce domaine-là, mais elle m'a conseillé un régime grossissant. Et voilà, on a remis en place le tire-lait de nouveau. Mais c'était compliqué parce que mon fils avec une oesophagite, il fallait... En fait, dès qu'il était allongé, ça remontait, donc il avait mal, donc il pleurait, donc il dormait pas. Donc la solution, c'était de le garder en écharpe contre moi, et c'était vraiment toute la journée. J'en étais, voilà, à dormir moi-même en position de demi-assise parce qu'il ne pouvait pas dormir autrement lui-même. À cela, on ajoute les grosses canicules qui ont lieu en 2019. Le fait que mon bébé revenait au sein toutes les heures, qui faisait des micro-siestes de 30 minutes avec son œsophagite qui est revenu. Ça a été très très dur, on s'est échappé le plus qu'on pouvait chez mon père qui avait la clim. Ça nous a aidé, mais ça restait quand même compliqué parce que bah, pour autant il n'a pas plus dormi, il n'a pas eu moins mal, les douleurs étaient toujours là. En fait il n'y avait plus trop de différence entre le jour et la nuit, c'était des siestes très hachurées en fait. À cela on peut ajouter... l'insistance de mon entourage qui me disait voilà arrête, et encore aujourd'hui je les comprends sans les comprendre parce que je sais qu'ils me voyaient mal, qu'ils me voyaient souffrir et que bah, ça leur faisait mal de me voir comme ça, et du coup ils étaient un peu insistants sur le fait bah, d'arrêter d'allaiter mon enfant au sein et de passer au biberon. Ils m'ont aussi un peu vendu ça comme le fait que ça allait être la solution miracle pour qu'ils se mettent à dormir. Alors le petit scoop, hein, ça n'a pas du tout fonctionné, il n'a pas du tout plus dormi quand on est passé au biberon derrière. Mais voilà, j'ai fini par craquer en fait. La fatigue, l'entourage, le RGO, les pleurs, moi qui étais très faible parce que voilà, plus maigre, et puis ce tire-lait que j'avais en horreur à force en fait, parce que j'avais l'impression que ça ne servait à rien, parce qu'il n'y avait pas de lait qui sortait. Et je ne savais pas à l'époque que c'était pas grave et que c'était normal parce que je stimulais quand même. Mais voilà, du coup, je suis passée au biberon en fait. D'abord un petit peu, puis totalement. Il avait 4 mois. Je me souviens que c'était à ce moment-là aussi où on a un peu tout tenté. On l'a diversifié à 4 mois, donc voilà, avec le recul, je sais que ce n'était pas forcément la bonne chose à faire parce qu'il était encore jeune. Mais on avait cet espoir en fait que le fait de manger... on va dire des purées, ça épaississe un peu le reflux et que du coup il en ait moins. On est aussi passé donc à un médicament plus fort qui s'appelle l'Inexium et que là encore une fois je recommande pas du tout et que moi-même je regrette d'avoir utilisé, mais je crois que j'étais vraiment à bout à ce moment-là et que on a voulu tenter en fait en même temps que le biberon, en même temps que la diversification. Alors ça a fait effet, hein, je dirais qu'en 2-3 semaines... il allait beaucoup mieux, alors il avait plus de reflux, mais il avait pas mal, parce qu'en fait, le principe de l'Inexium, c'est d'enlever l'acidité du corps. Donc, bah, l'enfant a beau régurgiter, il a moins mal, voire pas. Par contre, pour le reste, ça n'a pas forcément amélioré, quoi. Que ce soit les nuits, que ce soit ma fatigue, voilà, ça a un petit peu amélioré. Et je recommande de vraiment faire son choix en conscience par rapport à ce médicament, parce qu'après, on en devient un peu dépendant. De mon côté, voilà, j'étais triste. Vite, en fait, j'ai eu du regret d'avoir arrêté cet allaitement. Je m'en suis voulu de ne pas avoir été assez forte parce qu'il y avait cette solution de recommencer tout avec le dalle, en fait, pour restimuler mon sein et que mon bébé reprenne le sein plus souvent et plus longtemps. Mais à cette époque-là, je n'avais pas la force mentale de le faire. Par contre, j'ai vraiment vécu cette perte de la fusion avec mon bébé que je n'ai pas retrouvée avec le biberon. D'ailleurs, ensuite, parlons-en du biberon parce que ça a été compliqué. Il aimait pas vraiment le biberon. Je me souviens que c'était très, très, très long de lui donner le biberon, à l'inverse des tétés qui étaient assez rapides. Là, le biberon, ça pouvait durer des heures. Il n'en voulait pas, il recrachait, puis il reprenait parce qu'il avait faim, et puis il rejetait le biberon. C'était compliqué, compliqué. D'autres personnes arrivaient mieux à le donner que moi, mais je pense que moi-même j'étais aussi un peu en stress en me disant mais non, il faut qu'il mange, parce qu'en plus on a eu une période assez compliquée où bah, on s'est rendu compte, bon ça dès le début, hein, mais que le lait de vache en poudre, bah, c'était encore pire niveau régurgitation, donc tout de suite on a voulu l'évincer, mais on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on a comme alternative? On m'avait conseillé du lait de jument qui est très bien toléré par les enfants et qui en plus se rapproche énormément du lait maternel. Donc on a commencé avec du lait de jument, sauf que le lait de jument ça coûte énormément cher et qu'on ne pouvait plus suivre à la fin. On a essayé le lait végétal en poudre que mon fils n'a pas du tout accepté. C'est encore pire au niveau des biberons. Donc en fait on est passé directement au lait de chèvre ensuite. Ça allait mieux, il l'acceptait, il le buvait. Mais voilà, donner le biberon c'était compliqué. J'avais l'impression de devoir le forcer à le faire en fait et de le forcer à prendre ce biberon. Et heureusement je m'en suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête. Je m'en suis rendu compte en lisant le livre de Maria Montessori sur l'origine en fait de sa méthode, où à un moment elle explique voilà ça en fait, que quand un enfant, ce qu'on appelle l'anorexie du nourrisson, quand ils en viennent à manger puis après tout vomir, à se faire vomir, et bien en fait le problème c'est qu'à la base il peut venir en tout cas des parents, ou le fait de devoir forcer un bébé à prendre le biberon. Et quand j'ai lu ça je me suis dit ok, c'est ce que je fais. En fait, je vais arrêter parce que ça va être de pire en pire, parce que je vais le forcer, il va pas manger, et puis après il va manger pour me faire plaisir, il va vomir, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça a été un déclic chez moi, je me suis dit ok, stop, j'arrête, tant pis. Il prend 30, il prend 100, il prend 100, tant mieux. S'il faut qu'il revienne manger toutes les heures, et bien tant pis. Mais on a repris du progressif pour que ça fonctionne, quoi. Et c'est vrai que ça a fonctionné. Petit à petit, le fait de le laisser choisir lui-même, bah en fait comme pour une tétée, hein, le fait de le laisser choisir lui-même, ça a marché. Petit à petit, il a pris plus et il laisse passer un peu plus les biberons. Donc voilà, ça commençait un peu à se mettre en place. Et puis à 5 mois après avoir arrêté l'allaitement, je découvre qu'il est possible de faire une relactation. Et je me suis dit, waouh, c'est trop beau pour pas tenter, ça fait 5 mois, ça peut être compliqué. Je voyais bien que mon sein produisait encore un petit peu de lait, mais alors vraiment rien, quelques gouttes et encore, ça perlait quoi. Je mettais sur quand il se faisait un peu mal, quand il avait une petite cicatrice, etc. Donc je me suis dit voilà, j'essaye. Donc on a remis en place le tire-lait en tirant le plus possible par jour, 10 fois, 12 fois, 15 fois, pour essayer de relancer cette lactation. J'avais pris en même temps... sous les conseils de ma conseillère en lactation, voilà des petits boosts pour que la prolactine elle redémarre. Et en même temps, j'avais retenté le DAL. Mais en fait, rapidement, on s'est rendu compte que mon fils, lui, il avait fait le deuil hein, de mon sein. Il ne le reprenait pas, que ce soit avec ou sans le DAL. J'avais beau lui proposer à chaque fois sans le forcer. Non, il n'en voulait pas. Lui, il avait fait le deuil. Du coup, c'était une aventure lactée. Alors, je parle là vraiment de l'allaitement au sein. Pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un challenge. C'était aussi beau que difficile, aussi douloureux que savoureux. J'ai aimé cette fusion avec mon bébé et en même temps, c'était un chemin qui était semé d'embûches. J'ai longtemps considéré comme un parcours du combattant. Et pendant très longtemps aussi, ça a été mon plus grand regret. J'ai essayé en fait d'en faire le deuil en me créant un compte Instagram où je me suis dit voilà, faut que ça sorte. Et effectivement, ça a marché. Parce que d'en parler, de partager mon expérience, d'en parler avec d'autres mamans, et ben voilà, ça m'a permis de m'apaiser un peu et d'aller mieux derrière. C'est là aussi que j'ai découvert de nombreux comptes sur Instagram qui sont des ressources incroyables et très très riches en termes d'allaitement. Et tout ce que j'ai découvert, j'ai trouvé ça fabuleux et c'est là que je me suis dit mince, j'aurais dû plus me renseigner en amont, hein, mais ça c'est comme ça parce qu'il existe énormément d'informations, que ce soit dans les livres ou dans des comptes Instagram. Du coup, si j'avais vraiment un conseil à donner aux mamans qui veulent allaiter, c'est ça, c'est d'abord de se renseigner. Même quand vous êtes enceinte, si vous savez que vous voulez allaiter, renseignez-vous sur comment se crée le lait, sur comment se passe l'évolution du lait pendant l'allaitement. Ça peut toujours servir. Et vraiment, ça peut servir. Moi, je sais que ça m'aurait servi. Et puis aussi d'avoir du soutien, que ce soit de la famille, des amis qui sont là, qui nous aident, qui nous envoient des messages réconfortants. Ça fait toujours plaisir. Et un petit message comme ça remonte le moral. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, et des mois même, je me suis dit, waouh, mais en fait, toutes ces informations que j'ai trouvées, c'est super important, quoi. Si on pouvait encore plus le diffuser au plus grand nombre, d'avoir énormément de témoignages de mamans, eh ben, ça pourrait aider, en fait. Ça pourrait aider ces mamans-là à faire des choix éclairés et surtout qui leur correspondent. Alors là, je parle ici vraiment que ce soit de l'allaitement au sein ou au biberon, parce qu'il y a tout un tas de choses à savoir, hein, même pour le biberon, pour les laits, etc. Et bien voilà, je me suis dit, c'est trop beau, il faut que je le fasse. Il faut que je le partage parce que ça peut aider d'autres mamans, comme moi, ça aurait pu m'aider. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce podcast, avec J'allaite. Je vais partir à la rencontre de mamans qui vont donner leurs expériences, leurs témoignages. Et en même temps, je vais aller chercher les vraies informations auprès des professionnels pour vous renseigner le plus justement possible. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous amener plein de joie ou au contraire vous aider à faire le deuil, comme je le disais en introduction. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous-même vous avez envie de témoigner, de raconter votre expérience, eh bien écrivez-moi pour qu'on puisse échanger là-dessus. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, en commentant, en partageant le podcast, ça l'aidera à le faire connaître par la suite. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode avec une maman.